pense à moi aussi, Nema, à la piscine aussi. Pense à moi aussi, Nema, à la piscine aussi. Pense à moi, Allah, Dieu, Bouddha, Yahvé, piscine, aussi, aussi, Nema, aussi. Partout, aussi, Nema, pensa, moi, aussi.